إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le dar qu'on continue du livre كن سلفيا على الجادة. Le sujet qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le point dont le chef va parler aujourd'hui, c'est al-musammayat al-shar'iyya li ahli sunnati wal jama'a, c'est-à-dire les appellations légales de ahli sunnah wal jama'a, les différentes appellations qu'on peut utiliser qui sont acceptées pour comme synonyme de ahli sunnah wal jama'a. Le chef il dit ahli shay hum akhassu an-nas bihi يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به وأهل البيت سكانه وأهل الإسلام من يدين به وأهل المذهب من يدين به فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين المعنى الأول معنى عام يدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة ومعنى الثاني معنى أخص وأضيق من معنى العام ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. Donc le chef il dit que lorsqu'on utilise le terme ahl, ça veut dire les personnes qui sont les plus rapprochées de cette chose, qui ont un rapport plus particulier avec une chose quelconque. Donc lorsque dans la langue arabe on dit par exemple ahl al-rajul, on traduit souvent par la famille d'une personne, d'accord, mais aussi ça veut dire les gens qui sont les plus proches de cette personne-là, qui sont plus particulièrement proches à cette personne. Ahlul Bayt, c'est-à-dire les gens de la maison, c'est-à-dire les gens qui habitent dans cette maison. Ahlul Islam, c'est-à-dire les gens qui pratiquent l'islam, les gens qui suivent l'islam. Ahlul Madhab sont les gens qui suivent un mazhab en particulier, etc. Donc, ça m'a Ahl Sunnah, la signification de Ahl Sunnah, ça signifie quoi? Ça signifie les gens qui sont plus proches de la Sunnah, hein, et qui sont les gens qui s'accrochent le plus fort à la Sunnah et qui la suivent dans la parole, dans les actions et dans la croyance. D'accord? Et cette appellation est devenue une terminologie qui est appliquée dans, ou qui est utilisée pour deux façons, ou dans deux sens. Un sens qui est général et un autre sens qui est plus particulier. Et je pense qu'on a déjà expliqué ça une ou plusieurs fois au sujet de l'appellation d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est important de le clarifier parce que cette distinction-là entre la signification générale et la signification particulière de Ahl Sunnah wal Jama'a, ça crée souvent de la confusion chez beaucoup de musulmans. D'accord? Parce qu'il y a deux significations ou deux façons dont on utilise Ahlu Sunnah wal Jama'a. La première, c'est celle qui est plus générale. Et dans cette appellation générale, tous les groupes de l'islam sont inclus, excepté Ar-Rafida, c'est-à-dire les Shia. D'accord? Dans cette appellation générale, quand on utilise Ahlu Sunnah wal Jama'a, tous les groupes sont inclus, excepté les Rafida. Donc, la plupart du temps, les gens, quand ils disent Ahlu Sunnah wal Jama'a, ils utilisent Ahlu Sunnah wal Jama'a dans le sens général. Donc, pour eux, c'est-à-dire qu'ils incluent là-dedans les Mu'tazila, les Khawarij, les Murji'a, ils incluent également les Ash'ariya, et ils incluent aussi les Soufiya, et tous les Turuq, et tous les autres groupes parmi les gens de Da'a. Ça, c'est dans la signification générale. Donc, ça, c'est quelque chose qui a créé beaucoup de confusion parfois chez les gens, puisque lorsqu'on dit que les gens sont de Ahlus Sunnah, donc eux, ils pensent que tous ces gens-là sont sur la Sunnah. Alors qu'on sait très bien que ces gens-là sont des gens de Bid'ah. Et c'est pour ça que le chef explique ici qu'il y a une autre signification quand on utilise Ahlus Sunnah dans un sens plus particulier, et c'est pour exclure tous les gens de Bid'ah, peu importe leur Bid'ah. Hein. Donc c'est pour ça que le chef dit quand on l'utilise dans un sens plus particulier, tous les groupes de Bid'ah sortent. Les Khawarij, les Jahmiya, les Murji'a, les Shi'a, les Soufiya, les Asha'ira, et tous ces groupes-là n'ont pas rapport avec ou ne rentrent pas dans l'appellation particulière et spécifique de Ahlus Sunnah. Et là, le cheikh par la suite, il va mentionner les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah. Il dit, يقول شيخ الإسلام فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. D'accord, ça c'est une citation tirée du livre Minhaj al-Sunnah de l'imam Ibn Taymiyyah. Et Minhaj al-Sunnah, c'est un livre que l'imam Ibn Taymiyyah a écrit pour réfuter les Shia Rafida et pour réfuter en même temps les Mu'tazila. D'accord? Et c'est un des plus grands livres qu'il a écrit dans l'islam. Dans cette citation, qu'est-ce qu'il dit le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah? Il dit, il dit, le terme Ahlu Sunnah signifie ou est utilisé dans le sens de tout, pour impliquer ou pour parler de tous ceux qui ont affirmé le khilafa des trois premiers khilafa. Abu Bakr, Omar et Uthman. Tous ceux qui ont dit que ceux-là sont les trois premiers khilafa font partie de ou entrent dans cette appellation de Ahl Sunnah en général, ça c'est le terme général, mais c'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Donc toute personne qui dit les khulafa sont Abu Bakr, Omar, Othman, ceux-là en général entrent dans l'appellation générale de Ahl Sunnah, excepté les Rafida, parce que eux ils disent que c'est Ali qui devait être le premier, hein. Donc eux sont des gens de Bid'ah. Non. Et puis bien sûr, ils ont d'autres bid'ah et d'autres paroles et d'autres croyances de kufr et de shirk qui font qu'ils sont en dehors de l'islam. Et là, il y a d'autres groupes shi'a autres que les Rafida qui mettent Ali aussi en avant, et ceux-là aussi sont en dehors de la Sunnah, c'est-à-dire qu'ils font partie de la Sunnah parce qu'ils placent Ali en premier, au lieu de placer Abu Bakr, Omar et Othman. Puis là, le cheikh continue, puis il dit, et aussi on peut utiliser le terme Ahlus Sunnah, c'est-à-dire on l'utilise dans le sens de Ahlul Hadith et Ahlus Sunnah, Ahlul Hadith et Ahlus Sunnah, les gens du Hadith et de la Sunnah purs, Et dans cette catégorie-là, il n'y a personne qui rentre excepté ceux qui ont affirmé les attributs d'Allah et qui ont dit que le Coran n'est pas créé et que Allah, on pourra le voir dans l'au-delà, et qui affirme la prédestination, Al-Qadar, et ainsi que d'autres sujets qui sont bien connus chez les gens du hadith et de la sunna, c'est-à-dire Ahlul Hadith et la sunna. Donc, on sait que dans la deuxième partie, l'appellation plus particulière qui est utilisée pour définir Ahlul Hadith et la sunna, le cheikh a expliqué les conditions qui font que quelqu'un entre dans la définition particulière de Ahlul Hadith et la sunna, ou Ahlul Sunna wal Jama'a, et c'est qu'ils doivent affirmer les attributs d'Allah en entier. Et lorsqu'il a dit ça, et bien automatiquement, il y a les Jahmiyyah qui sortent, il y a les Mu'tazila qui sortent, et là il y a les Asha'ira qui sortent, il y a les Maturidiyya qui sortent, hein, parce que eux, ils ont tous soit nié complètement ou en partie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, déjà en partant, il a expliqué cette condition-là pour, et ces gens-là sont en dehors en partant. Deuxièmement, « وَأَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرَ مَخْلُوقَ » Bon, quand il dit que le Coran n'est pas créé, eh bien, encore une fois, les Jahmiya sortent, les Mu'tazila sortent, et les Asha'ira aussi. Parce que même s'ils disent qu'ils croient en la parole d'Allah, et ils croient que le Coran n'est pas créé. Ils disent que le Coran n'est pas créé, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils disent ça, les Asha'ira? Ils disent en réalité que c'est uniquement la parole intérieure d'Allah qui n'est pas créée. Parce que l'Asha'ira, ils font une distinction entre la parole intérieure et la parole extérieure. Pour eux, la parole extérieure, c'est créé. Et pour vous donner un exemple de comment ils expliquent ça, c'est qu'ils disent que la parole d'Allah, c'est uniquement, le Coran qu'on lit aujourd'hui, c'est créé. En fait, ils disent que c'est créé. Mais ils ne le disent pas ouvertement. Ils utilisent une sorte de méthode pour essayer de tromper les gens. Donc, ils vont le dire quand ils enseignent leurs élèves, ils vont leur dire oui, c'est créé. Mais devant les gens, devant le public, ils vont pas le dire ouvertement parce que ils savent que les gens vont tout de suite savoir que ce sont des gens égarés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que c'est la parole d'Allah. Puis par la suite, ils disent, la parole d'Allah, c'est la signification qui est à l'intérieur d'Allah, la signification de la parole d'Allah. C'est ça qui est pour eux la parole d'Allah. Mais qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qui est à l'extérieur, ça c'est créé. C'est pas la parole d'Allah. Donc, parce que pour eux, ils disent que la parole d'Allah, elle n'a pas de voix, elle n'est pas une voix, elle n'a pas de lettre. Pour eux, la parole d'Allah, Allah ne parle pas avec une voix et ne parle pas avec des lettres. Bila harfin, bila biduni harfin wa la sawt. D'accord? Donc ça veut dire que si tu leur dis, mais le Coran, il est avec des lettres et il est entendu, on l'entend. Et donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit qu'on entend la voix d'Allah, hein, que Allah parle avec une voix qui est entendue. Donc, ça, on doit l'affirmer. Mais eux, ils disent qu'il faut le nier. D'accord? Ils rejettent ils interdisent d'affirmer ça. Donc, déjà là, ils sont en contradiction avec Ahlus Sunnah et Jama'a. Et ça fait partie souvent de leur méthode ou de leur façon. Ils donnent l'impression qu'ils affirment un attribut, mais la façon dont ils l'affirment, ils ne l'affirment pas comme Ahlus Sunnah et Jama'a. D'accord? Et comme pour eux, la parole d'Allah, c'est pas comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans plusieurs versets, que, وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. Si l'océan était de l'encre pour écrire la parole d'Allah, l'océan serait épuisé avant que les paroles d'Allah soient terminées. Donc ça veut dire que Allah il parle avec une voix et que si on écrit sa parole, elle sera, on pourra même pas finir de l'écrire avec tout l'océan, si l'océan est un autre. Donc ça veut dire que, subhanallah, ces gens-là, ils disent non, la parole d'Allah c'est une seule parole, et elle est éternelle, elle est infinie, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin, et c'est une seule parole. Et qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend dans le Coran, c'est juste une expression, « ibaratun anil ma'na al-qa'im bin-naf », c'est ça qu'il dit. C'est une expression de la signification qui est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas sa parole. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que la parole que Moussa a entendue, par exemple, quand Allah lui a parlé, c'est une voix que Allah a créée dans les arbres, ou dans le vent, et c'est ça que Moussa a entendu, mais c'était pas sa voix. Non. Oui, c'est ça. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. Si tous les arbres sur la terre étaient des plumes et que les océans étaient sept fois qu'est-ce qu'ils sont, on amenait sept fois la quantité des océans en encre pour écrire les paroles d'Allah, eh bien, la parole d'Allah ne serait même pas encore épuisée, c'est-à-dire ne serait même pas terminée. Donc, c'est pour nous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est inépuisable, il peut. Il dit la vérité. Donc, il y a beaucoup de preuves aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Et que, laisse qu'elle est sa parole n'est pas comme la parole du Créateur. Et qu'au jugement dernier, il va s'adresser à la créature. Et il n'y aura pas, et tout le monde va l'entendre, qu'il soit loin ou proche. Il y a beaucoup de preuves de ça, subhanallah, dans le Coran et dans la Sunna. Mais ces gens-là, ils rejettent le Coran et la Sunna. Ils refusent de l'accepter parce que c'est contraire à leurs principes philosophiques ou logiques qu'ils ont inventés eux-mêmes et que les shayatins, les Grecs et les philosophes grecs et des autres, des autres mécréants ont inventé et eux ils nous ont suivis dans ces formes d'égarement. Wallah al-musta'an. Donc, par la suite aussi, il mentionne que on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir dans l'akhirah, on va le voir dans l'au-delà. Par cette spécification, il exclut, les mêmes gens qu'on a mentionnés tout de suite, parce qu'eux aussi rejettent le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va être ici. D'accord. Et comme il rejette aussi le fait qu'il est au-delà de son trône et qu'il a les attributs qu'il s'est donné lui-même ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit aussi qu'ils affirment la prédestination. Et ça, c'est la même chose encore une fois. Ça exclut les Qadariyah, les Mu'tazila et les Asha'ara et certains parmi les Soufis qui sont parmi les gens de Jabriyah, c'est-à-dire ils affirment le qadar, sauf qu'ils sont dans l'extrême. Ils nient que les hommes ont un choix de quelque chose. Ils disent que l'être humain est comme une feuille dans le vent. Donc, tout ce qu'ils font, que ce soit bien ou mal, ça veut dire que, ils croient qu'ils n'ont aucune volonté, aucune liberté de faire quoi que ce soit. Donc, quand tu vois quelqu'un parmi eux qui fait quelque chose de haram, tu ne dois pas lui dire qu'est-ce qu'il fait, c'est haram, parce que c'est Allah qui lui force, ou qui lui a fait faire ce haram. Donc, laisse-le. Donc, c'est ça la voix de certains parmi les soufis. Donc, ça, c'est une autre voix d'égarement. Et c'est aussi la voix des Jahmiya aussi. Parce que les Jahmiya, beaucoup d'entre eux sont comme ça. Donc, ça, c'est un exemple, encore une fois. Puis, وغير ذلك من الأمور, il y a d'autres questions aussi, d'autres sujets aussi dans la aqida qui qui exclut beaucoup d'autres parmi les gens de Bid'ah et qui lui font sortir de Ahl al-Sunnah, Ahl al-Hadith et Al-Sunnah. Donc le Cheikh il continue, فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع لها ممن جاء بعدهم وأهل السنة أيضا هم التابعون لهم بإحسان المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. Donc le cheikh il continue et il dit que Ahl al-Sunna en premier ce sont les Sahaba, Ashab Rasulullah, et ce sont eux qui ont pris directement les fondements de la croyance islamique, les fondements de l'aqidah, et qui l'ont pris directement de lui, hein, sans intermédiaire, hein, et qui ont appris de lui aussi également les formes d'adoration et toutes les règles de l'islam. Donc ce sont parmi toutes les créatures d'Allah, parmi tous les serviteurs d'Allah, ce sont eux qui sont les plus connaissants au sujet de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux qui le suivaient le plus que tous ceux qui sont venus après eux. Puis Ahl al-Sunna, ce sont également les tabi'un alahum bi-ihsan, c'est-à-dire c'est également ceux qui les ont suivis d'une bonne façon et qui se sont basés sur leur exemple et qui ont suivi leurs traces à toutes les époques et dans tous les endroits de la terre. Et yani, ceux qui sont à leur tête, ce sont les gens de Ahl al-Hadith ou al-Athar, ceux qui sont les gens du Hadith et les gens du Athar. On a dit que l'Athar c'est les traces et les citations des tabi'in et de ceux qui les ont, les ulama des tabi'in. Après le chef il dit « ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى تنازعت الطوائف هذا اللقب ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى وإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث والأثر السلفيون. Donc le cheikh il dit, étant donné que yani, cette appellation ou cette étiquette de Ahl al-Sunnah, on la donne aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui les ont suivis sur ce qu'ils étaient de la guidance, différents groupes se sont disputés cette étiquette. Beaucoup de groupes se sont disputés cette appellation. C'est-à-dire chacun d'entre eux voulait essayer de se le accaparer, hein, essayer de se le prendre pour lui-même. ولكن العبرة بالحقائق, c'est-à-dire on ne doit pas regarder uniquement les appellations et ce que les gens prétendent, mais on doit regarder la réalité de ce que les gens suivent. Pourquoi? Parce que lorsque les bid'ahs ont commencé à apparaître dans l'islam et que les différents groupes d'égarements ont commencé à se multiplier, chacun a commencé à appeler les gens à suivre son innovation et ses passions, alors, et en même temps à se prétendre en apparence comme étant ou comme faisant partie de l'islam en général, alors c'était nécessaire pour les gens qui suivaient la vérité de se faire connaître par certaines appellations et certains noms pour les distinguer des gens qui suivent les bid'ahs, les innovations et qui suivent les déviations dans la croyance, alors que, alors c'est à ce moment que sont apparus les différents noms légaux qui sont extraits de l'islam. Alors on voit que parmi leurs noms, parmi les noms de ces gens-là qui ont suivi la vérité, on retrouve Ahl-Sunnah wal-Jama'a, on retrouve Al-Firqatul Najiya, c'est-à-dire le groupe sauvé, on retrouve également Al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux, Al-Hadith wal-Athar, les gens du Hadith et de l'Athar, et Al-Salafiyoun, c'est-à-dire les Salafiyoun. Et puis le chef il dit والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها كلها تدل على الإسلام فبعضها ثابت لهم بالنص والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم فأسماؤها أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص كالجهمية نسبة للجهم ابن صفوان والزيدية نسبة إلى زيد ابن علي ابن الحسين والكلابية نسبة إلى عبد الله ابن كلاب والكرامية نسبة إلى محمد ابن كرام والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري أما ألقاب وإما إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم كالرافضة لرفضهم زيد بن علي أو لرفضهم إمامة الشيخين والنواصب لنصبهم العدا لأهل البيت والقدرية لكلامهم في القدر والصوفية للبس الصوف والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطلا والمرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان وإما هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعتهم كالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه والمعتزلة لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. Ma'am, donc je m'excuse d'avoir mis ce long passage, c'était long, mais j'aurais pu le couper en deux ou trois parties, mais il faut aller plus vite, Inch'Allah. C'est très intéressant. Le Cheikh il dit, lorsqu'on observe, Inch'Allah, lorsqu'on observe leurs noms, les noms que Ahl-Sunnah et Jama'a se sont donnés, on réalise clairement que tous ces noms-là expriment et prouvent ou sont reliés avec l'islam, et la plupart d'entre ces noms sont reliés directement à un texte du Coran ou de la Sunna, c'est-à-dire se réfèrent directement à un texte du Coran ou de la Sunna. Et d'autres de ces appellations sont arrivées à cause aussi du fait que ça exprimait une réalisation de l'islam ou une réalisation de la signification réelle de ce que l'islam signifie et aussi d'une contradiction ou opposition à certains des noms des gens de Bédra et de certaines de leurs étiquettes qui se sont données eux-mêmes. Par exemple, pour comparer la différence entre les appellations de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et les appellations des gens de Bid'a, on voit tout de suite qu'il y a des grandes distinctions entre les deux. Par exemple, quand on regarde les appellations des gens de Bid'a, eh ben, la plupart de ces noms-là retournent ou se réfèrent aux personnes qui ont amené ou inventé ces différentes Bid'a. Comme par exemple, quand on dit la secte, par exemple, de Jahmiyyah, eh bien, ça se réfère à une personne qui s'appelait Jahm ibn Safwan. Donc, c'est de là qu'on a tiré le nom Jahmiyyah. Ok? Quand on dit la secte Zaydiyya, et ça c'est un des groupes parmi les groupes des Shia, ou une des sectes parmi les différents sectes chiites, eh bien, ça se réfère à une personne qui s'appelait Zayd ibn Ali ibn al-Hussein. Zayd fils de Ali, fils de Hussein, fils de Ali. Ensuite, si on regarde aussi le nom de, par exemple, de la secte Al-Kullabiyya, eh bien, elle se réfère à une personne qui s'appelait Abdullah ibn Kullab. Si on se réfère à une autre secte comme Al-Karramiyya, eh bien, elle se réfère à Muhammad ibn Karram. Et Al-Ash'ariyya, eh bien, elle se réfère à Abil Hassan Al-Ash'ari. Et si on regarde, par exemple, aussi, il y a d'autres exemples des noms aussi des gens de Bid'a. Par exemple, il y en a parmi ces noms-là qui sont extraits ou qui sont dérivés de la base ou de la fondation de leur bid'a. Par exemple, Ar-Rafida, on les appelle Rafida, ça c'est une des sectes des Shi'as, c'est la secte la plus importante parmi les différentes sectes des Shi'as, parce que c'est elle qui comporte ou qui a le plus grand nombre de fidèles parmi les différentes sectes chiites, et puis c'est une des plus égarées en même temps. Eh bien, si on regarde cette secte, on les appelle Rafida. Et qu'est-ce que ça veut dire Rafida? Ça vient de Raf, ça veut dire refuser. Hein, refuser. Et pourquoi on les appelle Rafida? Parce qu'ils ont refusé Zayd ibn Ali comme étant un de leurs imams. Ils ont refusé qu'il soit un de leurs imams. Et pourquoi? Parce que Zayd ibn Ali, lorsqu'ils sont allés le voir pour lui dire « on veut que tu sois notre imam », il a refusé et il a dit, Zayd ibn Ali a refusé d'insulter Abu Bakr et Omar. Donc étant donné qu'il avait refusé d'insulter Abu Bakr et Omar, ils ont dit « on le rejette », c'est-à-dire on n'accepte pas Zayd ibn Ali comme étant un de nos imams. Donc ça c'est la raison pourquoi on les appelle Rafida. Et aussi, une autre raison pourquoi on peut les appeler Rafida, c'est parce qu'ils ont refusé le fait que Abu Bakr et Omar sont les premiers parmi les Khulafa Rashidin. Un autre exemple, c'est la secte qu'on appelle Al-Nawaqib. Et on les appelle Nawaqib pourquoi? Parce que eux, ils se sont mis en opposition, ou ils ont développé une certaine haine contre les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la maison du prophète Ahlul Bayt. Hein? Et souvent les Shi'as, ils ont toujours utilisé la question de Ahlul Bayt comme une sorte de couverture pour se présenter comme étant des défenseurs de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour essayer de faire croire aux musulmans que eux sont les seuls qui aiment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les défendent. Et ça, c'est une prétention de leur part qui est complètement fausse et complètement mensongère. Parce que ces gens-là, en fait, ils croient que si quelqu'un n'adore pas les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne les prend pas comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien pour eux, c'est comme si on ne les aime pas. Alors nous on dit non, c'est faux. Nous, par contre, Ahlul Sunnah wal Jama'a, en réalité c'est nous qui aimons réellement Ahlul Bayt. Nous les aimons plus que ce que les Shi'as prétendent. Mais nous on ne va pas dans l'extrême comme les Shi'as et on ne va pas les adorer, on ne va pas les vénérer, on ne va pas construire sur leur tombe des monuments ou des sanctuaires ou des mausolées ou des mosquées. On ne va pas tomber dans le haram ou dans le shirk ou dans les bid'ah au sujet d'Ahlul Bayt, mais on va se limiter au Coran et à la Sunna et on va les aimer. Hein? Et on les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que premièrement ce sont des musulmans, deuxièmement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de les respecter et de les aimer. Hein? Et ça c'est toujours par rapport à ou limité par le kitab et la Sunna. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours limité, par exemple, en ce qui concerne al-wala wa al-bara. C'est-à-dire ceux parmi Ahlul Bayt, parmi les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi sa famille, qui ont été sur le droit chemin, qui ont suivi bien l'islam, on les aime selon leur accrochement ou leur attachement à l'islam. Et ceux parmi eux qui ont fait des péchés ou des choses comme ça, on aime le bien qu'ils ont fait et les péchés qu'ils ont fait, on déteste ces péchés-là. Non. Mais en ce qui concerne les autres parmi les Ahlul Bayt, ou la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui étaient des kuffars, comme par exemple Abu Lahab, ou Abu Jahl, ou d'autres parmi les mécréants de Quraysh qui étaient dans les proches de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Talib et d'autres, et bien ceux-là on les déteste, même s'ils font partie de Ahlul Bayt. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas des mu'minines, ils ne sont pas des croyants. D'accord? Donc il faut voir que le fait que quelqu'un soit de Ahlul Bayt, ça ne prouve pas nécessairement qu'il soit automatiquement un mu'min. Donc il faut faire attention aussi à ça. Donc il y a un groupe parmi les gens de Bid'a, eux, ils détestent les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils détestent Ali, ils détestent Fatima radiallahu anha, ils détestent Ali radiallahu anhu, ils détestent Al-Hassan ou Al-Hussein, des gens de Ahlul Bayt, et ça, c'est une bid'a et c'est haram de les détester. Ces gens-là qui les détestent, en fait, en réalité, ce sont des gens égarés. Ok. Bon. Ensuite, un autre exemple aussi, c'est Al-Qadariya. On les appelle Qadariya pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à parler au sujet du Qadar. Soit en le niant, en niant la prédestination, en niant Al-Qadar, ou soit en exagérant dans Al-Qadar, c'est-à-dire en niant que les êtres humains ont une certaine liberté à ce sujet-là, et qu'ils ont une certaine, un certain choix de choisir, ou de choisir entre le bien et le mal, etc. Donc, ça c'est les deux groupes qu'on appelle Al-Qadariya et Al-Jabriya. Mais on les appelle des fois en général Qadariya, toutes les deux, puis on dit qu'il y a deux extrêmes parmi eux. Un qui exagère dans un aspect, puis l'autre qui exagère dans l'autre. Donc on les appelle Qadariya pour ça. Il y a aussi la secte des Murji'a. Et pourquoi on les appelle Murji'a? Parce que, soit parce qu'ils ont retardé les actions, et ils l'ont retardé de la foi. C'est-à-dire, ils ont dit, les actions qu'on fait, ce n'est pas inclus dans la foi. Tu peux dire que tu es croyant, même si tu ne pratiques rien parmi les actes obligatoires de l'islam. D'accord? Un peu comme les chrétiens, la foi c'est dans le cœur. Bon, par exemple, quelqu'un va te dire, si tu lui dis par exemple pourquoi tu ne fais pas la prière, il va te dire Al-Iman fil qalb, la foi c'est dans le cœur. Hein? Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la foi c'est uniquement de dire que tu crois. Si tu dis que tu crois, ou bien si tu dis je crois en Dieu, ça y est. Même si tu fais aucun acte de ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a ordonné de faire. Et ils disent que la foi de tous les hommes, elle est égale. C'est-à-dire, la foi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la foi de Moussa, la foi de Ibrahim, la foi de Jibril, toute la foi de tous les hommes, elle est équivalente. Il n'y a pas de différence. Hein? Donc ça, c'est un exemple de leur égarement. Et Jahm ibn Safwan, par exemple, lui, il disait, la foi, c'est de connaître. Donc, si tu sais que Dieu existe, tu es mu'min, tu es croyant. Même si tu fais rien, et même à cause de, en se basant là-dessus, il a même dit que Iblis est un croyant. Pourquoi? Parce que il sait que Dieu existe. Donc, selon Jahm ibn Safwan, Iblis était un croyant. Hein, et aussi Pharaon et les autres. Exact. Dans le Coran, Allah dit que ce sont des kuffars, mais Al-Jahl, c'était une personne qui se basait plus sur la philosophie et qui essayait de nier tout ce qui est dans le Coran. Donc c'est pour ça que les ulama l'ont déclaré comme étant un kafir. L'ont déclaré comme étant un kafir parce qu'il a nié tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il amenait toutes sortes de choubouhad pour essayer de renier le Coran. Et c'était comme certaines personnes aujourd'hui, certaines personnes parmi les musulmans aujourd'hui, qui se prennent pour des libres penseurs, comme on les appelle, des libres penseurs, hein, Mufakir Hurgan, hein, Al-Mufakirin, Al-Ahrar, ils se croient libres dans leur pensée, c'est-à-dire, ça c'est comme les idées défendues par la, ceux qui prétendent défendre les droits de l'homme, là, qui croient en la liberté de conscience, liberté de pensée, liberté de croyance. Donc ils disent, ouais, je suis musulman, sauf que c'est pas quelqu'un qui va venir me dire comment je dois croire, comment je dois penser. Mon idée que je me fais de Dieu, c'est mon idée personnelle. Je ne veux pas me baser sur ce que quelqu'un a écrit ou quoi que ce soit. Hein. Donc ça, c'est des gens de Balal, c'est des gens qui en réalité sont dans la mécréance, ne sont pas des croyants. Parce que si tu es un vrai mu'min, tu te limites à la description de ce que Allah s'est donné de lui-même pour croire en Allah. Et tu te limites à la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Mais tu ne commences pas à essayer de te faire ton propre Dieu ou à imaginer Dieu à ta propre façon comme tu le penses dans ta tête. Parce que si tu suis ça, si tu penses comme ça, si tu fais ça, alors automatiquement, tu n'adores plus Allah, tu adores autre que Allah. Tu adores tes passions et ton désir. Tu adores une idole en fait. Hein? Et ça, il y en a parmi les égarés, parmi les certains laïcs démocratiques et tout là, aujourd'hui, là, qui ont ces pensées là, qui ont ces idées là, qui pensent qu'ils peuvent se faire leur propre croyance, leur propre compréhension de Dieu, et etc. etc. Voilà. Je sais pas. Comment ça? Bon. Quand tu sors avec les. Non, attends, écoute, toi tu veux dire qu'il a déjà été croyant, c'est ça que tu veux dire? Oui, il a déjà été croyant. Sauf que lorsqu'il a refusé de se prosterner à Adam, hein, lorsque Allah SWT lui a ordonné de se prosterner, il a refusé de se prosterner. Et pourquoi il a refusé de se prosterner? Allah lui a demandé, ma mana'aka an tasjuda idha amartuk. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je t'ai ordonné de le faire? Hein? Astakbarta am kunta min al-ali. Est-ce que tu t'es enorgueilli? Est-ce que c'est l'orgueil? Allah SWT lui pose la question alors qu'il sait déjà la réponse. Mais il veut faire sortir de Iblis la réalité pour que ce soit un témoignage contre lui et un témoignage pour les autres. Hein? Est-ce que tu t'es enorgueilli? Alors, il a dit, je suis meilleur que Adam. Tu l'as créé de terre et tu m'as créé de feu. La terre est meilleure que le feu est meilleur que la terre. Donc comment le feu va se prosterner à la terre? Il utilise sa logique pour essayer de refuser de se prosterner à Allah ou d'obéir à Allah. Comme beaucoup de gens égarés aujourd'hui, lorsqu'on leur donne un verset de Coran ou un hadith, ils te donnent un paquet d'exemples, essayer de te donner plein de raisons soi-disant logiques pour essayer de refuser d'appliquer l'ordre d'Allah et de son messager. Et donc ils suivent Iblis en faisant ces exemples-là. Hein? C'est comme par exemple, ça m'est déjà arrivé de discuter une fois, j'ai parlé, il y avait une femme musulmane, je lui ai dit pourquoi tu ne portes pas le hijab? Et là, il commence à me sortir un paquet d'explications, de logiques, d'exemples et de shubuhat pour essayer de dire les raisons pour lesquelles elle refuse de porter le hijab. Et là, elle me donne un exemple, comme par exemple, si les hommes ressentent une tentation lorsqu'ils regardent une femme, mais c'est à eux de ne pas regarder. Hein? Et donc, etc. Tout ça d'exemples de ce genre-là, quoi. Donc, le fait que les hommes ne doivent pas regarder, c'est une chose. Et s'ils regardent, c'est un péché, c'est haram. D'accord? Sauf que, ça n'y passe et ça ne vient pas en contradiction avec le fait que l'ordre d'Allah est clair sur le fait que la femme doit se couvrir, elle aussi. Et qu'elle a aussi une partie de la responsabilité du péché. Hein? Et, bien entendu, il y a beaucoup d'autres points. Détail là-dedans, mais c'est juste pour donner un exemple. Ça, j'aurais pu donner d'autres exemples également à ce sujet-là. Donc, Iblis, yani, c'est comme ça. À cause de l'orgueil, il est devenu kafir. À cause de l'orgueil, il est devenu kafir. Donc, il n'est pas mu'min. C'est à cause qu'il a refusé de se prosterner. Donc, ça répond un peu à ta question sur le fait que yani, c'est vrai qu'il a déjà peut-être à un moment donné il a été parmi les croyants et il était même parmi les anges, hein, lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner, il était parmi les anges. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Lorsque Allah dit, et lorsque nous avons ordonné aux anges de se prosterner, alors ils se sont tous prosternés. Yani, tous les anges se sont prosternés directement. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés de cette façon. Ils ne peuvent pas désobéir à Allah, ça fait partie de la façon que Allah les a créés. Donc ils se sont tous prosternés, sauf Iblis. Parce que lui, il faisait partie des djinns, c'est un djinn Iblis. Il a refusé d'obéir à Allah, il a opposé l'ordre de son Seigneur. Donc ça, c'est ça l'exemple. Donc c'est ça. Donc Al-Murji'a, comme on disait, ça c'est des gens qui disent que la foi, elle est une seule, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Alors qu'on sait que selon Ahl al-Sunnah al-Jama'a, la définition de la foi c'est celle-ci. C'est al-Iman, qawlun, wa amal, wa i'tiqad. Une parole, et une action, et une croyance. Yazid de ta'a, elle augmente avec les obéissances, voyant qu'on soudil ma'asi. Elle diminue avec les péchés. Et elle n'est pas égale pour chaque personne. Elle peut être forte chez quelqu'un et elle peut être faible chez un autre. Hein? Donc ça c'est la base de Ahl al-Sunnah al-Jama'a au sujet de l'iman. Eux ils disent non. Ils disent la foi elle augmente pas, elle diminue pas. Hein? Elle reste toujours complète et parfaite. Et la base de cette bid'ah c'est les principes de Platon au sujet de la philosophie grecque qui ont cru que la foi est une sorte de mais je ne sais pas si c'est autre cas. Je ne vais même pas rentrer là-dedans. C'est juste pour vous dire que c'est un égarement. Yani. Ils ont compris le Coran et la Sunnah. Voilà. Donc, mais si vous voulez savoir les détails, vous pouvez tourner au livre Kitab al-Iman de l'imam Ibn Taymiyyah. Et dans son livre Al-Iman, il a expliqué tous les détails de cette question. En détail, et il a clarifié tout ça. C'est bien toutes ces choses-là. Ensuite, comme exemple, en ce qui concerne aussi d'autres exemples aussi de noms pour les gens de bid'ah, il y a le nom, il y a certains noms qui sont apparus pour exprimer certaines des caractéristiques par lesquelles ils ont quitté la croyance des musulmans et de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Donc, lorsqu'ils sont venus avec certaines bid'ahs par lesquelles ils sont venus en contradiction avec Ahl-Sunnah al-Jama'a, eh bien, cette caractéristique-là qu'ils ont développée, eh bien, elles sont devenues un nom pour eux. Comme par exemple, à cause du khuruj, hein, le fait de prendre les armes contre les dirigeants des musulmans, on a extrait le nom Al-Khawarij. Hein? Donc c'est ça que le cheikh dit ici. Al-Khawarij, pourquoi on les appelle Khawarij? Parce qu'ils sortent, yakhrujoun, hein, ala Amir al-Mu'minin. Ils ont pris les armes contre Ali ibn Abi Talib. Ils ont pris les armes contre Ali ibn Abi Talib. Et ils ont dit que Ali est un kafir. Et que c'est un ennemi d'Allah et qu'il faut le tuer. Et effectivement, c'est un des Khawarij qui l'a tué. Et il l'a tué en croyant faire une bonne œuvre. Hein, et en croyant se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en le tuant. Donc c'est un exemple de l'égarement des Khawarij. D'accord? Et les Khawarij, au sujet de la foi, sont à l'extrême opposé des Murji'a. Hein? Les Khawarij sont à l'extrême opposé des Murji'a. C'est l'autre extrême. Ceux qui disent que si tu, les Murji'a ont dit, si tu dis que tu es croyant, alors tout ce que tu fais de péché et de mal, ça n'affecte pas ta foi, elle ne va pas baisser. Les Khawarij, c'est l'autre extrême. Ils ont dit, si tu dis que tu es croyant et que tu fais un péché, tu n'as plus de foi du tout. Hein? Donc ça, c'est l'autre extrême de l'extrême des Murji'a. Hein? Oui, mais eux surtout, c'est eux, ils ont dit premièrement ça, c'est les grands péchés seulement, comme le meurtre, le vol, l'alcool, des choses comme ça, la fornication, des choses comme ça, les grands péchés, Al-Kaba'ir. Mais même eux, par exemple, c'est sûr, tout le monde fait des péchés. Mais c'est des gens, comme on dit, c'est des gens de dolal, c'est des gens de garma. Ils suivent leur passion. Hein? Et ça aujourd'hui, il y en a encore aujourd'hui dans les pays musulmans, parmi les groupes actuellement qui ont suivi par exemple ces photos, et qui ont suivi d'autres parmi les groupes de takfir, hein, qui déclarent un musulman comme étant un apostat ou un kafir parce qu'il fait certains péchés ou parce qu'il affirme certains péchés. Hein? Et ils vont dire par exemple, si tu vois un musulman qui persiste à faire un péché ouvertement, automatiquement il devient kafir. Hein? Il y en a ça parmi beaucoup des jeunes, parmi beaucoup des jeunes, mais aussi même parmi certains qui ont été affectés par certaines des idées des Khawarij. Hein? Ils disent par exemple, si un musulman vend de l'alcool, il devient kafir. Ou si un président laisse des gens dans son pays vendre de l'alcool, il est kafir. Hein? Même si le dirigeant reconnaît l'interdiction de l'alcool, etc., ils disent non, lui il est kafir. Et celui qui est dans le magasin et qui vend de l'alcool ou qui vend quelque chose de haram, automatiquement il est kafir. Même s'il dit que c'est haram de le vendre. Donc ça c'est un exemple des croyances de ces gens-là. Et ils ont surtout fait la fitna actuellement au sujet de la question de juger selon la loi d'Allah, quand c'est arrivé là, à ce sujet-là, et bien là, ça a créé toutes sortes de problèmes dans la communauté entre les musulmans et surtout chez les jeunes. Parce qu'ils ont commencé à débattre sur ce point-là et à se faire des groupes et des divisions entre eux pour essayer de dire qui est kafir, qui n'est pas kafir, quel président est kafir, quel président n'est pas kafir. Et donc ils sont tombés dans l'égarement là-dedans, hein, à cause de ça. Donc, Ahl al-Sunna al-Jama'a, leur position est claire là-dessus, puis on va y revenir, Inch'Allah. Donc, il y a aussi l'exemple des Mu'tazila, pourquoi on les appelle Mu'tazila? Parce que, à cause de leur chef, Wasil ibn Atta, qui s'était écarté du dars de Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, qui était un des plus grands parmi les savants des tabi'in. Il a grandi dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha. Donc ça te dit un peu, il est grandi, Al-Hassan al-Basri, il a grandi dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha. Il a connu beaucoup parmi les grands des sahaba. Donc c'était un des grands parmi les tabi'in. Et donc, quand on dit que Al-Hassan al-Basri était assis dans sa mosquée et qu'il enseignait l'islam, on dit que c'est quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Donc, que quelqu'un qui est un de ses élèves dans la mosquée décide de sortir de son cercle, de son dar, et d'aller s'asseoir quelque part ailleurs dans la mosquée pendant que Al-Hassan al-Basri est en train d'enseigner, et qu'il se sépare de Al-Hassan al-Basri, c'est clair que tout de suite, c'est une personne qui suit une bid'a ou un égarement. Et c'est effectivement ce qui est arrivé, parce qu'il a décidé de s'écarter du darf de Al-Hassan al-Basri, parce qu'il a eu un désaccord avec lui, au sujet de la personne qui fait des grands péchés. Al-Hassan al-Basri enseigne, comme tous les ulama d'Ahl-Sunnah, que celui qui fait des grands péchés, parmi les musulmans, qui boit de l'alcool ou qui fait la fornication ou l'adultère ou qui fait un autre parmi les grands péchés, on dit que il ne quitte pas l'islam, il est toujours à l'intérieur de l'islam. Sa foi est faible, il est un pécheur, hein, c'est un kafir. Sauf que il est toujours dans l'islam et sa foi est faible. Sa foi n'est pas complètement à zéro. Et que s'il meurt sur ce grand péché-là, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, par sa miséricorde, il va le pardonner. Et si Allah veut, par sa justice, il va le punir. Mais on n'a pas le droit de dire qu'il sera en enfer parce qu'il est mort sur un grand péché. Et on n'a pas le droit de dire qu'il est kafir. Mais ces gens-là, Wasil ibn Atta a dit non, c'est pas ça. Celui qui fait un grand péché, il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min. Il est ni un ni l'autre, il est entre les deux. Il est entre les deux. Donc, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Mais il n'a pas donné de nom. Donc ça c'est une bid'a qu'il a inventé. Il a appelé ça Al-Manzila Bayn Al-Manzila Bayn. Il a sorti ça d'où? Il a sorti ça de sa tête. Allah al-Musta'an. Et puis par la suite, il a dit, celui qui meurt comme ça, il va éternellement rester dans l'enfer. Donc, il a rejoint la position des Khawarij en ce qui concerne l'au-delà. Donc ça c'est l'exemple au sujet de Al-Hassan Wasil ibn Atta, qu'on l'a appelé i'tizal. Et ça c'était la première forme d'i'tizal, première forme des bid'ah de l'i'tizal. Sauf que par la suite, quand les Jahmiyyah sont apparus et quand Al-Ma'moun est arrivé et qu'il a commencé à faire traduire les livres de la philosophie grecque en arabe, eh ben les Mu'tazila ont commencé à étudier la philosophie avec beaucoup d'attention, beaucoup d'assidu, d'une façon assidue, pour arriver à maîtriser la philosophie, pour essayer de se rapprocher du Khalifa, c'est-à-dire pour essayer de se rapprocher de Al-Ma'moun. Ils sont tellement devenus forts en philosophie que, effectivement, Al-Ma'moun a commencé à les rapprocher, puis leur a demandé d'enseigner ses enfants, etc. Et ils sont devenus très très proches de ce Khalifa. Et par la suite, une fois qu'ils ont réussi à se rapprocher du Khalifa, et bien c'est là que le Khalifa a commencé, c'est là que les Mu'tazila ont commencé à devenir les conseillers du Khalifa, ils ont commencé à l'appeler à leur bid'a. Et c'est là qu'ils ont rajouté à cette bid'a toutes sortes d'autres formes de bid'a, comme la négation que le Coran est la parole d'Allah et de dire que c'est une création. Et là, ils ont commencé à imposer ça à tous les savants et à torturer les savants et tout. On a parlé de ça aussi quand on a parlé de l'exemple de les preuves de l'imam Ahmed, comment ils ont torturé l'imam et tout. Hein. Donc c'est comme ça que ça a dévié. Donc par la suite, le chef, il explique, il donne une citation du chef Bakr Abu Zayd dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Hukm al-Intima ila al-Firq wal-Ahzab wal-Jama'at al-Islamiyyah. Qu'est-ce que ça signifie le titre? Ça signifie le verdict au sujet de l'appartenance aux groupes, aux sectes et aux organisations ou aux groupes islamiques, aux partis et aux groupes islamiques. Ça, c'est un livre que le cheikh avait écrit il y a plusieurs années. Donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « لما حصلت تلك الفرق منتسبة أو منتسبة إلى الإسلام منشقة عن عمود الفقر للمسلمين ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم سواء ما كان لهم من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع الجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع ولهذا حصل لهم الرب بالصدر الأول فقيل لهم السلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة، وهذه الألقاب الشرعية تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه. Donc, le cheikh il commence en disant que lorsqu'il a commencé à avoir plusieurs sectes qui se prétendent appartenir à l'islam et qui se sont séparés du corps des musulmans, alors sont arrivés ou sont apparues différentes appellations légales pour distinguer le groupe de base des musulmans et pour les distinguer des autres groupes qui suivent les passions et les innovations. Et le cheikh il dit, et certains d'entre eux, disons plutôt que le cheikh a dit, peu importe que ces noms-là soient extraits directement du fondement de la charia par les textes, c'est-à-dire par exemple l'appellation de Al-Jama'a, parce que le terme Al-Jama'a se retrouve dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans plusieurs hadiths, alaykum bin jama'a, je vous incite à rester avec le groupe, avec Al-Jama'a. Et dans beaucoup d'autres hadiths aussi, il y a manfarq al-Jama'a. Il y a beaucoup de hadiths comme ça qui incitent les musulmans ou qui avertissent celui qui essaie de se diviser ou de séparer de la Jama'a. Par exemple, dans un hadith aussi, donc le terme jama'a se retrouve dans plusieurs hadiths et ils ne viennent pas à l'esprit actuellement, mais ils sont un grand nombre de hadiths qui parlent de ce terme. Le terme firqatun najiya, ça c'est dans le hadith des 73 sectes, on va y revenir. Le terme at-ta'ifatul mansoura, ça se retrouve également dans le hadith au sujet du groupe victorieux qu'on va mentionner tout à l'heure, Inch'Allah, il n'est pas trop tard, il nous reste encore du temps. Et ensuite, aussi il y a d'autres noms qu'on leur a donnés à cause de leur accrochement ou de leur application de certains aspects de la Sunna vis-à-vis des gens de Bid'a. Et à cause de ces noms-là, ils ont, et à cause de leur attachement par exemple à la première des générations, c'est-à-dire les Sahaba et les Tabi'in, on se réfère à eux comme étant as-salafiyoun, ou bien ahlul hadith, les gens du hadith, ou ahlul athar, ou ahlul sunnah wal jama'a. Et ces noms-là sont des noms qui sont nobles et qui vont en contradiction avec toutes les autres appellations ou étiquettes de tout autre secte. Non. Et voici de quelle façon elles viennent en contradiction avec les appellations des autres sectes de Bid'a. Le cheikh mentionne 6 différents exemples de distinction. Premièrement, il dit, al-awwal, annaha nasabun, inna annaha nusiba, ou nasabun, lam tanfasil, ولو لحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وطبيعة الدعوة إليه وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. Donc le cheikh l'explique, il dit que premièrement, ces termes-là ou ces appellations n'ont jamais été séparés de cette Ummah à aucun moment. Depuis sa fondation, elles existent depuis et elles font partie de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elles incluent tous les musulmans qui ont suivi ou qui suivent la première des générations de Sahaba qui sont sortis et qui ont accepté l'islam, et tous ceux qui se basent sur ça, dans leur façon d'acquérir la science et dans la façon de comprendre la religion et dans cette méthodologie ou cette voie, et elle demeure, elle va demeurer jusqu'au jugement dernier, en se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux sur la vérité. Hein? Ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette appellation a toujours existé. Depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, et ça c'est prouvé par les textes. Deuxièmement, أنها تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. C'est-à-dire que ces appellations, elles impliquent tous les aspects de l'islam, le Coran et la Sunna. Donc elles ne se limitent pas uniquement à une certaine, ouais, comme un aspect de la religion. Oui, c'est ça. Et prendre un aspect de la religion et la mettre de l'avant comme si pour se distinguer du reste des musulmans, d'accord? Donc ça c'est comme par exemple certains parmi des gens de Bid'a qui veulent essayer de dire bon, nous sommes des musulmans qui sommes les meilleurs ou les plus ardents ou les plus sérieux dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui se basent autour de cette image ou autour de cette idée pour essayer de se distinguer du reste des musulmans, pour essayer de fonder par exemple une distinction parmi les musulmans. Ou on pourrait prendre d'autres exemples aussi. Mais ceux qui ont fait ça, par exemple les soufis, qui essaient de dire nous on a le zikr et on fait le zikr et c'est ça là, pour nous là, le signe qui nous distingue des autres musulmans. Alors que le zikr ça fait partie de l'islam. Et donc le cheikh, qu'est-ce qu'il essaie de dire, c'est que ces termes, ces appellations-là, ça implique l'islam en entier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Udkhulu fi silmi kaffa, entrez dans l'islam en entier. N'essayez pas de prendre l'islam, une partie de l'islam, et puis d'en faire une sorte de signe là pour dire voici, nous on a ça, et puis vous voulez vous diviser du reste des musulmans ou essayer de dénigrer les autres musulmans parce que vous avez cet aspect de l'islam en particulier, hein, tandis que les autres, eux, par exemple, vous prétendez qu'ils ne l'ont pas, eux, en particulier. Donc ça, c'est un exemple. Donc, le chef, il dit qu'il ne faut pas prendre la religion de cette façon-là et d'aller en contradiction avec le Coran et la sunna, soit en ajoutant ou en enlevant quelque chose, et de cette façon-là. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, le cheikh dit, أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتمييز عنهم وإبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم، فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف وهكذا. Donc le cheikh il dit que les termes qui sont utilisés pour distinguer les gens de la sunna sont fermement prouvés par le Coran et la sunna, et parmi ces termes il y en a qui sont uniquement apparus en opposition à certains des gens de bid'a et parmi les sectes d'égarement, dans le but de réfuter leur bid'a et de se distinguer par rapport à eux, et pour essayer d'éloigner un peu la confusion, d'éliminer la confusion qui pourrait être créée lorsque ces bid'a sont apparues. Donc par exemple, lorsque la bid'a est apparue, qui se sont distingués par la sunna, par opposition à la bid'ah. Parce que l'opposé de la bid'ah, c'est la sunna. Et l'opposé de la sunna, c'est la bid'ah. Et lorsque certains se sont, ont commencé à essayer de juger ou d'appliquer leurs opinions, elles se sont basées sur qu'est-ce qu'on appelle ar-ra'i, comme on appelle ahl-ra'i, les gens de l'opinion ou qui suivent leurs opinions, au lieu de se baser sur le hadith. Alors les ulama se sont distingués en se distinguant en s'appelant ahlul hadith, les gens du hadith, et les gens de l'athar. Et lorsque les bid'ah et les ahwa se sont répandus et ont commencé à être rampantes chez les gens de bid'ah et chez les gens qui sont venus après les salaf, eh bien ils se sont distingués en suivant la voie des salafs et en appelant les gens à être sur la voie des salafs. Quatrièmement, أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد وإنما هو الكتاب والسنة فحسب وفق فهم السلف. Donc le cheikh il dit que lorsqu'on exprime al-wala wal-bara, c'est-à-dire le fait d'aimer et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou le fait de s'allier ou de se désavouer de certains parmi les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, eh bien, ça doit être basé sur l'islam et non sur une appellation particulière. Donc, ça montre que ça nous distingue des gens de bid'ah. Parce que, par exemple, on doit aimer les gens et se baser sur l'islam pour les aimer. Et s'opposer et se désavouer des gens en même temps aussi en se basant sur l'islam. Et non sur une appellation ou sur une personne. Mais si tu regardes les gens de bid'ah, c'est pas ça qu'ils font. Mais je vais te donner un exemple. Si tu vois une personne qui fait une bid'ah, eh ben, souvent ils vont se distinguer par une certaine appellation. Je te donne un exemple. Quelqu'un dit, moi je suis Tijan. Ok? Il dit, je suis un Tijan. Je suis un Tijan. Là, il va dire, pourquoi tu utilises, mais c'est quoi Tijan? Il va dire, parce que je suis un cheikh qui s'appelait Ahmed Tijan. D'accord? Donc, si tu lui dis, mais moi, je vois que, qu'est-ce que vous suivez, et la personne que vous suivez, il a appelé à certaines choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Alors lui, parce que tu attaques le cher, ou parce que tu montres les erreurs, ou les choses qui sont en contradiction, avec le cher, avec le, qu'est-ce que ce cher a dit dans le Coran et dans la Sunna, donc, automatiquement, lui, il se met en opposition contre toi et il se désavoue de toi et il te déteste. Non pas parce que il te déteste pas parce qu'il a une preuve du Coran et de la Sunna. Il te déteste pas parce que tu as rejeté la parole d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il te déteste parce que tu as rejeté son cheikh. Même si son cheikh a dit quelque chose contraire à l'islam. Hein? Donc ça c'est un exemple. Si par exemple un groupe comme Ikhwan al-Muslimin, si tu commences à critiquer ces gens-là et tu commences à montrer les erreurs de certains de leurs fondateurs ou de leurs chefs, ils vont commencer à te détester parce que tu es contre les erreurs que le chef a fait et tu es contre certains de leurs principes. Donc, leur voilà, leur amour ou leur affiliation et leur opposition et leur désavouement n'est pas basé sur l'islam. Il est basé sur leur groupe. Il est basé sur leur cheikh. Il est basé sur leur idéologie. Et non sur le Coran et la Sunna. Tandis que Ahl al-Sunna et al-Jama'a, leur affiliation uniquement se limite sur, par rapport au Coran et à la Sunna. Pas sur un nom. Hein. Pas sur une autre appellation. Hein. Donc, par exemple, quelqu'un peut pas nous dire, peut-être quelqu'un ne peut pas nous critiquer de cette façon pour dire à vous, par exemple, vous dites, vous suivez aveuglément quelqu'un. Ou comment, si quelqu'un, par exemple, commence à critiquer un des ulama ou un des shuyukh parmi les salafiyins, hein? Comme par exemple, si un d'entre eux essaie d'attaquer, par exemple, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Comme beaucoup des gens de Bid'a font, ils critiquent Muhammad ibn Abdul Wahhab. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on explique et on dit, nous, qu'est-ce qu'on suit? On ne suit pas Muhammad ibn Wahhab, on suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on suit la sunna, le Coran, et selon la compréhension des salafs. Maintenant, Muhammad ibn Wahhab était uniquement un des ulama et un des gens qui ont appelé au Coran et à la sunna. Il n'est pas infaillible. Il est possible qu'il ait fait des erreurs. Et s'il a fait une erreur, et qu'on nous montre son erreur, on va accepter cette erreur, et on va pas la suivre. On va rejeter cette erreur. Sauf que le problème, c'est d'amener l'erreur, et d'expliquer pourquoi. Donc, bien entendu, ces gens-là, souvent, c'est des gens de bid'a, et des gens qui suivent des bid'a, et qui font le shirk, et qui font d'autres formes de contradiction avec l'islam. Les soufis et les asha'ira et d'autres parmi les groupes de bid'a. Donc eux, ils détestent Cheikh Mohammed Abdul Wahhab parce qu'il a interdit aux êtres humains d'adorer autre que Allah. Ou parce qu'il a interdit de s'adresser à un mort pour lui demander quelque chose. Ou parce qu'il a interdit d'aller à une tombe et de vénérer les morts. Ou de construire des monuments et des mausolées sur leur tombe. Hein? Et ils ont dit que ah, ce Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il ne respectait pas les gens vertueux et les saints et les pieux. À cause de ça, ils ont commencé à critiquer le cheikh. Alors qu'en réalité, lorsqu'on retourne au Coran et à la Sunna, on voit que ce que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a enseigné, et qu'est-ce qu'il a appelé les gens à suivre, c'est exactement ce que Allah et son prophète, et qu'est-ce que les salafs ont enseigné. Donc, on leur dit, votre raison de détester ce cheikh, et votre raison de vous opposer à lui, ne sont pas trouvés, ne sont pas supportés ni par le Coran ni par la Sunna. Non. Donc c'est comme ça. Tu vois? C'est comme par exemple, c'est qu'est-ce que le frère dit, c'est un bon exemple. Et il y a l'exemple que j'ai lu dans un livre de Cheikh Salim al-Hilali, ça s'appelle Al-Jama'at al-Islamiyya, qui est dans le Kitab al-Sunna. Les groupes islamiques à la lumière du Coran et de la Sunna. Il y avait le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani qui donnait des cours, hein, et lui c'était un des grands ulama et des muhaddithines. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que certains parmi les gens du groupe des Ikhwan Muslimin ont commencé à assister à son cours. Alors le chef des Ikhwan Muslimin a donné une lettre d'avertissement à ses membres qui assistaient au cours du cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani et leur a dit que s'ils continuaient d'assister à ces durus, ils seraient expulsés de la jama'a, c'est-à-dire ils seraient expulsés du groupe de Ikhwan Muslimin. Pourquoi? Parce que Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani est un salafi, et qu'il enseigne le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs, et ça va en contradiction avec la méthodologie des Ikhwan. Alors, à cause de ça, à cause de cette différence entre eux et le Coran et la Sunna et le Cheikh, ils ont interdit à leurs membres d'apprendre la religion d'Allah et d'étudier le Coran et la Sunna. Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a beaucoup d'autres exemples. Si, par exemple, vous allez voir, par exemple, quelqu'un, vous allez lui dire, par exemple, de venir assister à un darb. Et s'ils savent, par exemple, que c'est un darb qui enseigne Da'wah Salafiyya et tout ça, ils vont refuser d'assister, mais si par exemple c'est Tariq Ramadan ou un autre qui vient parler de quelque chose, même si qu'est-ce qu'il dit ça n'a rien à voir avec le Coran et la Sunna, ils vont être heureux, ils vont se réjouir. Hein? C'est un exemple. Donc, que des fois le voilà, le bara n'est pas basé sur le Kitab ou le Sunna. Donc, ça c'est un signe. Et puis quand tu vois que certaines mosquées à Montréal, qui laissent des kuffars venir s'adresser aux musulmans dans les mosquées, puis que quand il y a des élèves du Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani qui viennent à Montréal et qu'on leur demande de les laisser parler, on les interdit. Hein, comme les responsables de la mosquée Sunna, ici, Non, pas un seul. Deux des Cheikh Salim Al-Hilali, quand il était à Montréal, et l'autre Cheikh qui était Ali Hassan, quand ils sont venus, ils les ont interdits à Dar Sunna, à Ottawa, c'est un groupe de centre islamique des Sourouriens, et la mosquée Sunna, ils ont interdit le Cheikh aussi de parler. Alors qu'ils se disent Salafi. Et quand ils voient les élèves des ulama qui viennent, on les ferme la porte au nez. Mais on ouvre la porte à des gens qui sont des koufars et qui rendent, et qui font toutes sortes de slanies. Et on les laisse, et on s'adresse à eux avec toutes sortes de termes honorifiques. Et on les respecte et on leur montre une sorte de glorification. Puis on met à la porte et on rabaisse les ulama et les chevaux et tout le monde. En Jordanie. Non. Donc, ça c'est un exemple aussi qui rentre là-dedans. Cinquième. أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ces noms-là ou ces appellations, c'est-à-dire les appellations de Ahl al-Sunnah, ce ne sont pas des appellations qui amènent les gens à suivre aveuglément ou à s'accrocher obstinément à un individu autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que, comme par exemple certains parmi les musulmans qui prennent une personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le mettent comme étant une référence et qui demandent aux musulmans de le suivre au lieu de demander aux musulmans de retourner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une extrême, une exagération, et ça j'ai vu ça surtout chez les soufis et certains autres parmi les gens de l'Irak. Et Ahbash aussi, mais les Ahbash sont des soufis, ils sont des achats, ils sont toutes les bédards en même temps. Non. Et puis, par exemple, il y a un exemple aussi des Sénégalais, là, les Mourides. Subhanallah. Ils ont pris Ahmed Bamba comme un dieu. Et même, ils l'ont mis au plus haut que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'appellent Khadim al-Rasoul, ils l'appellent le serviteur du messager, alors qu'en réalité, quand tu regardes qu'est-ce qu'il dit, tout ce qu'il dit c'est Ahmed Bamba, Ahmed Bamba, Ahmed Bamba. C'est-à-dire, pour eux là, c'est juste ce mot-là qui sort de leur bouche. Et ils ont une ville là en Sénégal qui s'appelle Touba. Et ils mettent sa photo partout. Et ils transportent même sa photo. Et puis ils font un grand rassemblement chaque année, comme le Hajj. Et il est enterré dans sa mosquée là-bas, à Touba. Donc ces gens-là, vraiment, là, c'est des exemples de gens. Ils ne disent pas ouvertement, directement, clairement, mais c'est quand tu regardes réellement comment ils parlent, c'est à ça que ça mène. Donc ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Sixième point, c'est le dernier point. أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة. Donc ces appellations-là n'amènent pas les gens à suivre une bid'a, ni un péché, ni à se limiter et à suivre aveuglément une personne en particulier, ni un groupe en particulier. Donc ça c'est les six distinctions. Et puis, ben, on a presque fini. Je ne sais pas, est-ce que je vais aller jusqu'à la fin? Et on va vite, on peut terminer. Donc le chef, par la suite, il commence à expliquer chacune de ces appellations-là, une par une, et à donner des exemples et certaines références. Première appellation, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Il dit, « هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة وهو يطلق مقرونا بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة وهو قليل والغالب اقترانه بالسنة قال ابن تيمية رحمه الله فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة Donc le cheikh il explique premièrement que Ahlus Sunnah wal Jama'a c'est un des noms qui sont très très populaires au sujet de des gens qui suivent la Sunna, et c'est un des noms yani, quand on dit on l'utilise toujours avec la Sunna, Ahlus Sunnah. Et on l'utilise en disant Ahlus Sunnah wal Jama'a, et parfois on peut dire Ahlus Sunnah tout seul pour désigner Ahlus Sunnah wal Jama'a, et parfois on peut utiliser aussi, ou on peut entendre aussi Ahlul Jama'a, les gens de la Jama'a. Et qu'est-ce que ça veut dire Jama'a? Ça veut dire l'unité, ou l'union. Hein? Et le cheikh dit qu'au sujet de Ahlul Jama'a, ça c'est peu, on n'entend pas souvent. Mais il dit que la majorité du temps, on l'utilise avec As-Sunna. C'est-à-dire quand on dit Ahl, on l'utilise raccroché ou relié avec Ahl-Sunna. Comme Ibn Taymiyyah a dit, on dit Ahl-Sunna associé avec la Jama'a. Donc, on peut dire Ahl-Sunna et Ahl-Jama'a. Et le cheikh dit que Ahl Sunnah, il est associé avec l'union, le fait d'être uni, tandis que la bid'a est associée avec la division. C'est pour ça qu'on dit que Ahl Sunnah, on l'utilise avec al-jama'a, le fait d'être uni, tandis que quand on dit Ahl al-bid'a, c'est toujours relié avec la division, parce que à la base c'est la bid'a qui divise les musulmans. D'accord? Et ça c'est une chose qui est importante à comprendre. Le cheikh dit par la suite, ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم أهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين. La raison pourquoi on appelle أهل السنة والجماعة par ce nom-là, c'est parce qu'ils se sont distingués par deux grandes distinctions. La première, تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما تقدم. Donc premièrement, on les appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, à cause de leur accrochement, la façon qu'ils s'accrochent à la Sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à un tel point qu'ils sont devenus les gens de la Sunnah. Par opposition aux gens qui suivent les groupes déviés et les sectes, qui s'accrochent aux opinions et aux passions des bid'ahs et de ces sectes, et aux paroles de leur fondateur ou de leur chef, et donc elles ne s'apparentent pas à la Sunna, mais ils s'apparentent ou ils prétendent appartenir à leur bid'a ou à leurs imams ou aux actions qu'ils font qui sont contraires à la Sunna. Et la deuxième distinction, annahum ahlul jama'ah لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى، فإنهم لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم، فلا حق يجمعهم. قال يقول شيخ الإسلام في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Donc la deuxième caractéristique c'est que ce sont les gens de l'union. Et pourquoi? Parce que ce sont les gens qui s'unissent sur la vérité et qui ne se divisent pas, contrairement aux autres sectes et aux autres groupes, parce que eux ils ne s'unissent pas sur la vérité, mais ils suivent uniquement leur passion, donc aucune vérité ne les unit. Et ça, c'est la réalité au sujet d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Quand on regarde Ahlus Sunnah wal Jama'a, on voit qu'ils sont toujours unis sur la base et sur la sunna et sur la vérité, peu importe où ils sont sur la terre, et peu importe l'époque à laquelle ils vivent, et peu importe leur origine, leur couleur et leur nationalité. Yani, Ahl Sunna al-Jama'a, tu vas aller en Chine, tu vas aller en Philippines, tu vas aller en Afrique, tu vas aller en Europe, tu vas aller en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, peu importe, tu vas avoir des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, tous sont sur la même aqida et le même manhaj, à tous les époques. Et quand tu lis leurs livres, que ce soit des auteurs qui viennent d'Asie, que ce soit des auteurs qui viennent d'Orient ou de l'Occident ou d'autres endroits, quand ils sont sur le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a, tu lis et c'est comme si tu lis le même livre et comme s'ils viennent tous prendre de la même source et de la même base et de la même fondation. Donc, ce sont des gens qui sont sur l'unité et qui s'unissent sur la vérité. Tandis que les gens de Béda, ce sont les gens de la division, ce sont les gens qui se divisent et qui appellent les musulmans à s'éloigner de la vérité. Et lorsqu'ils s'unissent, eh bien c'est uniquement une union au plan physique. Parce qu'en réalité, ils sont désunis dans leur cœur. Ils ne sont pas sur une même aqidah, ils ne sont pas sur une même manhaj, ils ne sont pas sur une même compréhension de l'islam. Et c'est ça le danger des gens de Bid'ah. Deuxièmement, le nom de Ahlul Hadith. Parmi les noms de Ahlul Sunnah al-Jama'a, on compte le nom Ahlul Hadith. Les gens du Hadith. Le Cheikh dit, من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث. هذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده. يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. فهذا الإمام الصابوني يقول في عقيدته إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة إلى أن يقول وقد أعان الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. Donc le cheikh il dit que parmi les noms qu'on appelle les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, on les appelle Ahlul Hadith. Et on veut dire par et on retrouve souvent ce nom-là dans la parole de plusieurs parmi les imams comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et plusieurs avant lui et après lui. Et il rappelle souvent que Ahlul Hadith et Ahl Sunnah sont la même le même groupe, yani Ahl Sunnah et Ahl Hadith, yani c'est la même aqida, ils ont la même aqida. Quand on parle de leur aqida, on ne fait aucune distinction entre les deux terminologies. Comme par exemple, l'imam al-Tabouni, dans son livre qu'il a écrit sur l'aqida de Ahl Sunnah et Jama'a, il l'a appelé aqidatu Ahl Sunnah wa Ashab al-Hadith, si je ne me trompe pas, yani. Et il mentionne une citation du Cheikh dans son livre Aqidatu Ashab al-Hadith, non, Aqidatu Salaf Ashab al-Hadith, c'est ça le titre. Donc il dit, Inna Ashab al-Hadith, les gens du Hadith, sont ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna, que Allah préserve ceux parmi d'entre eux qui sont vivants, et qu'ils soient miséricordieux envers ceux d'entre eux qui sont déjà morts. Il dit, ce sont ceux qui témoignent de l'unicité d'Allah et qui témoigne du message et de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'ils disent et Allah a protégé Ahl Sunnah de la déformation, tahrif, c'est-à-dire de déformer les significations des attributs d'Allah, wa takyif, c'est-à-dire de demander comment sont les attributs d'Allah, wa tashbih, de faire ressembler Allah à sa création ou de faire ressembler la création à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manna 'alayhim bit-ta'rif wa at-tafhim. Et il leur a donné la miséricorde ou le bien d'être les gens qui ont la connaissance et la compréhension. Après il dit وَيَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِنْ تَيْمِيَةِ مَذْهَبُ السَّلَفِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Donc Ibn Taymiyyah il dit que أهل الحديث ce sont les ou مذهب السلف ce sont c'est أهل الحديث ce sont أهل الحديث et les gens de la sunna et les gens de l'unité أهل الجماعة. Et après il dit فالمراد بأهل الحديث في كتب عقيدة السلف وعقائد السلف هم أهل السنة. يقول ابن تيمية ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه وكتابته وروايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Donc, Ibn Taymiyyah ici il explique et il dit que, en fait, le chef il dit la définition ou qu'est-ce qu'on veut dire par Ahlul Hadith dans les livres d'Aqida, c'est dans les livres d'Aqida des Salaf, c'est Ahlul Sunnah, c'est-à-dire ce sont Ahlul Sunnah, ce sont les gens de la Sunnah. Et Ibn Taymiyyah, il cite une citation de Ibn Taymiyyah et il dit nous, lorsqu'on dit Ahlul Hadith, on ne veut pas uniquement dire les gens qui se sont spécialisés dans l'étude du hadith, c'est-à-dire d'écouter le hadith et de les écrire et d'étudier les narrations et yani, tout ce qui a rapport avec la science du hadith. Mais on veut dire en réalité un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire tous ceux qui méritent d'être parmi les gens qui mémorisent le hadith et qui le connaissent et qui le comprennent d'une façon d'une façon apparente et d'une façon intérieure, hein, intérieurement et extérieurement, et qui le suivent intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire dans les actions et dans les croyances et dans les paroles, et ils sont également Ahlul Qur'an. Ahlul Hadith, ça veut dire qu'ils ne sont pas Ahlul Qur'an. Et même j'ai lu dans un livre une fois, un des livres des ulama qui expliquait que en réalité, Ahlul Hadith, ce sont eux qui sont Ahlul Qur'an. Ce sont eux qui sont les gens du Qur'an. Et ils ont même mentionné le verset qui dit « Wallahu nazzala ahsan al-hadith kitaban ». Donc, le Qur'an même c'est un hadith, Allah l'a qualifié de comme étant un hadith, une parole. Donc, Ahlul Hadith, Ahlul Qur'an, Ahlul Hadith. Les gens du Qur'an sont les gens du hadith aussi. Il n'y a pas de contradiction. Yani. Si tu es Ahlul Hadith, automatiquement tu es Ahlul Qur'an. C'est ça que ça veut dire. Alors, troisième appellation, Ahlul Athar. Cheikh il dit, هذا الاسم يطلق, يطلقه, on l'appelle Al-Athariya ou Ahlul Athar. Les gens de Al-Athar, c'est-à-dire, on peut dire que c'est les traces, les gens qui suivent les traces des Salaf, ou bien aussi les gens qui suivent les paroles des gens qui ont suivi les Sahaba, etc. Le Cheikh dit, وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث. Beaucoup de savants utilisent ce terme et ils l'utilisent pour qualifier les gens de la Sunna et les gens du Hadith. Donc quand tu entends Ahlul Athar, tu sais automatiquement qu'on parle de Ahlul Sunna et Jama'a, Ahlul Hadith. Il dit, قال ابن أبي حاتم الرازي, ابن أبي حاتم الرازي, il a dit dans sa عقيدة, مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. Donc l'imam al-Razi il dit notre voie et notre choix c'est de suivre la sunna ou de suivre le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons et les tabi'in et de nous accrocher à la voie des gens de l'Athar, des gens qui ont suivi l'Athar comme Abdullah ibn Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal faisait partie de Ahlul Athar. Et aussi on peut dire Ahlul Athar que Al-Athar aussi ça fait, on entre dans, ça entre aussi dans où le hadith rentre dans aussi la définition de l'affar aussi, puisque c'est quelque chose qui est transmis. On peut dire qu'aussi une affar, c'est tout ce qui est transmis, hein, d'une façon. Et donc, nous, on sait que le hadith, c'est transmis par l'isnad, donc ça rentre donc aussi dans l'affar. وقال في بعض في موضع آخر علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة أو نقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. Donc le chef il explique dans un autre que il y a dans une autre citation dans sa Aqida, il dit que les signes des gens de Bid'a, c'est qu'ils attaquent les gens du Afar. Comme on a dit dans le dars de Usul al-Sunna de l'Imam Ahmad. Et il dit un autre signe des gens des hérétiques, al-Zanadiqa, c'est qu'ils appellent Ahl al-Sunna par le terme comme Hashwiya, ils appellent Hashwiya. Et un autre signe d'une autre secte, Al-Qadariya, comment ils appellent Ahl al-Athar? Ils les appellent Mujbira. Hein? Donc, les gens qui nient Al-Qadar, ils appellent Ahl al-Sunna, ils disent que Ahl al-Sunna sont des gens qui croient. Il y en a qui, étant donné qu'eux ils sont dans une bid'a au sujet de la prédestination, ils nient la prédestination, ils disent que chaque être humain, il est libre de faire tout ce qu'il peut, puis libre de faire ce qu'il veut, que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que l'être humain va faire avant qu'il ne fasse, ou bien qu'il est libre, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui crée lui-même ses actions, etc. Donc, eux, ils voient que Ahl al-Sunnah, étant donné que nous, on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné, a tout écrit, et qu'il fait tout à l'avance, hein, et eux, ils croient que nous, à cause de ça, ils nous appellent par l'autre extrême. C'est-à-dire, ils nous appellent Mujbira. Comme si on croit que l'être humain est forcé de faire ce qu'il fait. Et ça, c'est une extrême. D'accord? Donc, eux, par exemple, le fait que, comment je pourrais dire? Ahl al-Sunna al-Jama'a, comme on avait déjà parlé de ça, sont toujours entre les deux extrêmes. En général, hein, c'est la nation, la Umma du juste milieu. On est toujours entre deux extrêmes. Mais quand une de ces deux extrêmes-là regarde Ahl al-Sunna, eux, ils nous considèrent comme étant un extrême par rapport à eux. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord? Donc, c'est pour ça que eux, ils nous donnent toutes sortes d'appellations. Et c'est pour ça que parmi les ulama, ils disent: si vous entendez des gens parler de Ahl al-Hadith et les décrire comme étant Hashwiya ou les décrire comme étant des Mujbira ou des choses comme ça, alors sachez que s'ils disent Hashwiya, ce sont des Zanadiqa. S'ils les appellent Mujbira, ce sont des Qadariya. Parce que eux, Ahl al-Sunnah ont affirmé ce qu'eux ont nié. D'accord? C'est de ce sens-là que le Cheikh parle maintenant. Et les signes des Murji'a, ils appellent Ahl al-Sunna des gens qui sont en contradiction ou bien qui affirment que la foi peut baisser. Les exemples, ça c'est à cause de leur bid'a, du fait qu'ils ont dit que la foi ne peut pas augmenter ni diminuer. Eux, ils disent, ah, eux ce sont des noxaliens, ils disent que la foi peut diminuer. Donc c'est basé sur leur extrémisme. Et le signe des Rafidah, c'est qu'ils appellent Ahl al-Sunnah Nasibah. Hein? Par exemple, les Rafidah, étant donné qu'ils ont exagéré dans la façon dont ils vénèrent les gens ou qu'ils adorent les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils nous considèrent nous comme étant des gens qui détestent la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est comment ils nous appellent Nasibah, à cause de ça. Donc, c'est par rapport à eux, pour eux, on est des extrémistes. Alors qu'en réalité, c'est uniquement par rapport à leur égarement et à leur éloignement de la Sunna qu'ils nous voient de cette façon-là et qu'ils nous appellent par ces termes. وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ مثل أبي نصر السجدي وابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم وسموا بذلك نسبة إلى الأثر وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث. Donc le cheikh il dit que ces paroles là sont nombreuses dans les paroles de plusieurs parmi les imams comme Abu Nasr al-Sajdi. Abu Nasr al-Sajdi, il a écrit un livre pour réfuter les Asha'ira qui ont nié que Allah subhanahu wa ta'ala parle avec la voix et avec les lettres. Hein? Donc il a écrit un livre qui a ce titre là. C'est un très très bon livre pour la réfutation des Asha'ira. Ibn Taymiyyah, il a mentionné ça, et l'imam Safarini, et beaucoup parmi les gens de l'ilm. Son livre, ça s'appelle Ar-Rad ala man ankara al-harf al-sawt. La réfutation de celui qui nie les lettres et la voix. Et le cheikh, il dit que on les appelle Ahl al-Athar à cause, parce qu'ils suivent Al-Athar, et ça, le mot Athar, c'est une terminologie qui est synonyme au hadith. Synonyme au hadith. ومعنى أهل الأثر كما يقول السفريني أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه نعم في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام.